Livre cinquième, la Bible et Homère. Chapitre premier, de l'écriture et de son excellence. C'est un corps d'ouvrage bien singulier que celui qui commence par la Genèse et qui finit par l'Apocalypse, qui s'annonce par le style le plus clair et qui se termine par le ton le plus figuré. Ne dirait-on pas que tout est grand et simple dans Moïse, comme cette création du monde et cette innocence des hommes primitifs qu'il nous peint, et que tout est terrible et hors de la nature dans le dernier prophète, comme ces sociétés corrompues et cette fin du monde qu'il nous représente. Les productions les plus étrangères à nos mœurs, les livres sacrés des nations infidèles, le Zend Avesta des Perses, le Veidam des Brahmes, le Coran des Turcs, les Eddas des Scandinaves, les Maximes de Confucius, les poèmes sanscrits, ne nous surprennent point. Nous y retrouvons la chaîne ordinaire des idées humaines. Ils ont quelque chose de commun entre eux et dans le ton et dans la pensée. La Bible seule ne ressemble à rien. C'est un monument détaché des autres. Expliquez-la à un Tartare, à un Cafre, à un Canadien. Mettez-la entre les mains d'un bonze ou d'un derviche. Ils en seront également étonnés. Fait qui tient du miracle. 20 auteurs, vivant à des époques très éloignées les unes des autres, ont travaillé au livre saint. Et quoiqu'ils aient employé 20 styles divers, ces styles, toujours inimitables, ne se rencontrent dans aucune composition. Le Nouveau Testament, si différent de l'Ancien par le ton, partage néanmoins avec celui-ci cette étonnante originalité. Ce n'est pas la seule chose extraordinaire que les hommes s'accordent à trouver dans l'Écriture. Ceux qui ne veulent pas croire à l'authenticité de la Bible croient pourtant, en dépit d'eux-mêmes, à quelque chose dans cette même Bible. Déistes et athées, grands et petits, attirés par je ne sais quoi d'inconnu, ne laissent pas de feuilleter sans cesse l'ouvrage que les uns admirent et que les autres dénigrent. Il n'y a pas une position dans la vie pour laquelle on ne puisse rencontrer dans la Bible un verset qui semble dicté tout exprès. On nous persuadera difficilement que tous les événements possibles, heureux ou malheureux, aient été prévus avec toutes leurs conséquences dans un livre écrit de la main des hommes. Or, il est certain qu'on trouve dans l'Écriture l'origine du monde et l'annonce de sa fin, la base des sciences humaines, les préceptes politiques, depuis le gouvernement du père de famille jusqu'au despotisme, depuis l'âge pastoral jusqu'au siècle de corruption, les préceptes moraux applicables à la prospérité et à l'infortune, aux rangs les plus élevés comme aux rangs les plus humbles de la vie. Enfin, toutes les sortes de styles, styles qui, formant un corps unique de 100 morceaux divers, n'ont toutefois aucune ressemblance avec les styles des hommes. Chapitre 2. Qu'il y a 3 styles principaux dans l'Écriture. Entre ces styles divins, 3 surtout se font remarquer. Premièrement, le style historique, tel que celui de la Genèse, du Deutéronome, de Job, etc. Deuxièmement, la poésie sacrée, telle qu'elle existe dans les psaumes, dans les prophètes et dans les traités moraux, etc. Troisièmement, le style évangélique. Le premier de ces 3 styles, avec un charme plus grand qu'on ne peut dire, tantôt imite la narration de l'épopée, comme dans l'aventure de Joseph, tantôt emprunte des mouvements de l'ode, comme après le passage de la mer Rouge. Ici soupirent les élégies du saint arabe, là chante avec Ruth d'attendrissantes bucoliques. Ce peuple, dont tous les pas sont marqués par des phénomènes, ce peuple pour qui le soleil s'arrête, le rocher verse des eaux, le ciel prodigue la manne, ce peuple ne pouvait avoir des fastes ordinaires. Les formes connues changent à son égard. Ses révolutions sont tour à tour racontées avec la trompette, la lyre et le chalumeau. Et le style de son histoire est lui-même un continuel miracle qui porte témoignage de la vérité des miracles dont il perpétue le souvenir. On est merveilleusement étonné d'un bout de la Bible à l'autre. Qu'y a-t-il de comparable à l'ouverture de la Genèse? Cette simplicité de langage, en raison inverse de la magnificence des faits, nous semble le dernier effort du génie. In principio creavit Deus caelum et teram. Terra autem erat inanis et vacua, et tenabre erant super faciem abyssi, et spiritus dei ferebatur super aquas. Dixitque Deus, fiat lux, et facta est lux, et vidit Deus lucem quod esset bona, et divisit lucem a tenebris. On ne montre pas comment un pareil style est beau, et si quelqu'un le critiquait, on ne saurait que répondre. Nous nous contenterons d'observer que Dieu, qui voit la lumière, et qui, comme un homme, content de son ouvrage, s'applaudit lui-même et la trouve bonne, est un de ces traits qui ne sont point dans l'ordre des choses humaines. Cela ne tombe point naturellement dans l'esprit. Homer et Platon, qui parlent des dieux avec tant de sublimité, n'ont rien de semblable à cette naïveté imposante. C'est Dieu qui s'abaisse au langage des hommes pour leur faire comprendre ses merveilles, mais c'est toujours Dieu. Quand on songe que Moïse est le plus ancien historien du monde, quand on remarque qu'il n'a mêlé aucune fable à ses récits, quand on le considère comme le libérateur d'un grand peuple, comme l'auteur d'une des plus belles législations connues et comme l'écrivain le plus sublime qui ait jamais existé, lorsqu'on le voit flotter dans son berceau sur le Nil, se cacher ensuite dans les déserts pendant plusieurs années, puis revenir pour entr'ouvrir la mer, faire couler les sources du rocher, s'entretenir avec Dieu dans la nue, et disparaître enfin sur le sommet d'une montagne. On entre dans un grand étonnement. Mais lorsque, sous les rapports chrétiens, on vient à penser que l'histoire des Israélites est non seulement l'histoire réelle des anciens jours, mais encore la figure des temps modernes, que chaque fait est double et contient en lui-même une vérité historique et un mystère, que le peuple juif est un abrégé symbolique de la race humaine, représentant dans ses aventures tout ce qui est arrivé et tout ce qui doit arriver dans l'univers, que Jérusalem doit être toujours prise pour une autre cité, Sion pour une autre montagne, la terre promise pour une autre terre, et la vocation d'Abraham pour une autre vocation. Lorsqu'on fait réflexion que l'homme moral est aussi caché sous l'homme physique dans cette histoire, que la chute d'Adam, le sang d'Abel, la nudité voilée de Noé et la malédiction de ce père sur un fils se manifestent encore aujourd'hui dans l'enfantement douloureux de la femme, dans la misère et l'orgueil de l'homme, dans les flots de sang qui inondent le globe depuis le fratricide de Caïn, dans les races maudites descendues de Cham, qui habitent une des plus belles parties de la terre. Enfin, quand on voit le fils promis à David venir à point nommé rétablir la vraie morale et la vraie religion, réunir les peuples, substituer le sacrifice de l'homme intérieur aux holocaustes sanglants. Alors, on manque de paroles. Où l'on est prêt à s'écrier avec le prophète « Dieu est notre roi avant tous les temps, Deus autem rex noster, ante secula. » C'est dans Job que le style historique de la Bible prend, comme nous l'avons dit, le ton de l'élégie. Aucun écrivain n'a poussé la tristesse de l'âme au degré où elle a été portée par le saint arabe, pas même Jérémie, qui peut seul égaler les lamentations aux douleurs, comme parle Bossuet. Il est vrai que les images empruntées de la nature du midi, les sables brûlants du désert, le palmier solitaire, la montagne stérile, conviennent singulièrement au langage et au sentiment d'un cœur malheureux. Mais il y a dans la mélancolie de Job quelque chose de surnaturel. L'homme individuel, si misérable qu'il soit, ne peut tirer de tels soupirs de son âme. Job est la figure de l'humanité souffrante. Et l'écrivain inspiré a trouvé assez de plaintes pour la multitude des maux partagés entre la race humaine. De plus, comme dans l'écriture, tout a un rapport final avec la nouvelle alliance, on pourrait croire que les élégies de Job se préparaient aussi pour les jours de deuil de l'Église de Jésus-Christ. Dieu faisait composer par ses prophètes des cantiques funèbres, dignes des morts chrétiens, 2000 ans avant que ces morts sacrés eussent conquis la vie éternelle. Puisse périr le jour où je suis né, et la nuit en laquelle il a été dit, un homme a été conçu. Étrange manière de gémir, il n'y a que l'Écriture qui ait jamais parlé ainsi. Je dormirai dans le silence et je reposerai dans mon sommeil. » Cette expression « je reposerai dans mon sommeil » est une chose frappante. Mettez le sommeil, tout disparaît. Bossuet a dit « dormez votre sommeil, riche de la terre, et demeurez dans votre poussière. » Pourquoi le jour a-t-il été donné aux misérables et la vie à ceux qui sont dans l'amertume du cœur? Jamais les entrailles de l'homme n'ont fait sortir de leur profondeur un cri plus douloureux. L'homme, né de la femme, vit peu de temps, et il est rempli de beaucoup de misère. Cette circonstance, née de la femme, est une redondance merveilleuse. On voit toutes les infirmités de l'homme dans celles de sa mère. Le style le plus recherché ne peindrait pas la vanité de la vie avec la même force que ce peu de mots. Il vit peu de temps, et il est rempli de beaucoup de misère. Au reste, tout le monde connaît ce passage où Dieu daigne justifier sa puissance devant Job en confondant la raison de l'homme. C'est pourquoi nous n'en parlons point ici. Le troisième caractère, sous lequel il nous resterait à envisager le style historique de la Bible, est le caractère pastoral. Mais nous aurons occasion d'en traiter avec quelque étendue dans les deux chapitres suivants. Quant au second style général des saintes lettres, à savoir la poésie sacrée, une foule de critiques s'étant exercée sur ce sujet, il serait superflu de nous y arrêter. Qui n'a lu les chœurs d'Esther et d'Athalie, les odes de Rousseau et de Malherbe, le traité du docteur Lowth est entre les mains de tous les littérateurs, et la harpe a donné en prose une traduction estimée du psalmiste. Enfin, le troisième et dernier style des livres saints est celui du Nouveau Testament. C'est là que la sublimité des prophètes se change en une tendresse non moins sublime. C'est là que parle l'amour divin. C'est là que le Verbe s'est réellement fait chair. Quelle onction! Quelle simplicité! Chaque évangéliste a un caractère particulier, excepté saint Marc, dont l'évangile ne semble être que l'abrégé de celui de saint Matthieu. Saint Marc, toutefois, était disciple de saint Pierre, et plusieurs ont pensé qu'il a écrit sous la dictée de ce prince des apôtres. Il est digne de remarque qu'il a raconté aussi la faute de son maître. Cela nous semble un mystère sublime et touchant, que Jésus-Christ ait choisi pour chef de son Église précisément le seul de ses disciples qui l'eût renié. Tout l'esprit du christianisme est là. Saint Pierre est l'Adam de la nouvelle loi. Il est le père coupable et repentant des nouveaux israélistes. Sa chute nous enseigne en outre que la religion chrétienne est une religion de miséricorde et que Jésus-Christ a établi sa loi parmi les hommes sujets à l'erreur, moins encore pour l'innocence que pour le repentir. L'évangile de saint Matthieu est surtout précieux pour la morale. C'est cet apôtre qui nous a transmis le plus grand nombre de ses préceptes en sentiments qui sortaient avec tant d'abondance des entrailles de Jésus-Christ. Saint Jean a quelque chose de plus doux et de plus tendre. On reconnaît en lui le disciple que Jésus aimait, le disciple qu'il voulut avoir auprès de lui, au jardin des Oliviers, pendant son agonie. Sublime distinction, sans doute. Car il n'y a que l'ami de notre âme qui soit digne d'entrer dans le mystère de nos douleurs. Jean fut encore le seul des apôtres qui accompagna le Fils de l'homme jusqu'à la croix. Ce fut là que le Sauveur lui légua sa mère. « Molière, ecce filius tuus, deinde dixit discipulo, ecce mater tua. » Mot céleste, parole ineffable. Le disciple bien-aimé qui avait dormi sur le sein de son maître avait gardé de lui une image ineffaçable. Aussi le reconnut-il le premier après sa résurrection. Le cœur de Jean ne put se méprendre aux traits de son divin ami, et la foi lui vint de la charité. Au reste, l'esprit de tout l'évangile de saint Jean est renfermé dans cette maxime qu'il allait répétant dans sa vieillesse. Cet apôtre, rempli de jours et de bonnes œuvres, ne pouvant plus faire de longs discours au nouveau peuple qu'il avait enfanté à Jésus-Christ, se contentait de lui dire « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres ». Saint Jérôme prétend que saint Luc était médecin, profession si noble et si belle dans l'Antiquité, et que son évangile est la médecine de l'âme. Le langage de cet apôtre est pur et élevé. On voit que c'était un homme versé dans les lettres et qui connaissait les affaires et les hommes de son temps. Il entre dans son récit à la manière des anciens historiens. Vous croyez entendre Hérodote. Premièrement, comme plusieurs ont entrepris d'écrire l'histoire des choses qui se sont accomplies parmi nous. Deuxièmement, suivant le rapport que nous en ont fait ceux qui, dès le commencement, les ont vus de leurs propres yeux et qui ont été les ministres de la parole. Troisièmement, j'ai cru que je devais aussi, très excellent Théophile, après avoir été exactement informé de toutes ces choses, depuis leur commencement, vous en écrire, par ordre, toute l'histoire. Notre ignorance est telle aujourd'hui qu'il y a peut-être des gens de lettres qui seront étonnés d'apprendre que Saint-Luc est un très grand écrivain, dont l'évangile respire le génie de l'antiquité grecque et hébraïque. Qu'y a-t-il de plus beau que tout le morceau qui précède la naissance de Jésus-Christ ? Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie, du sang d'Abia. Sa femme était aussi de la race d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes devant Dieu. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile et qu'ils étaient tous deux avancés en âge. Zacharie offre un sacrifice. Un ange lui apparaît debout à côté de l'autel des parfums. Il lui prédit qu'il aura un fils, et que ce fils s'appellera Jean, qu'il sera précurseur du Messie, et qu'il réunira le cœur des pères et des enfants. Le même ange va trouver ensuite une vierge qui demeurait en Israël, et lui dit « Je vous salue, ô pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Marie s'en va dans les montagnes de Judée. Elle rencontre Élisabeth, et l'enfant que celle-ci portait dans son sein tressaille à la voix de la Vierge, qui devait mettre au jour le Sauveur du monde. Élisabeth remplit tout à coup de l'Esprit-Saint, élève la voix et s'écrie « Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de votre sein sera béni. D'où me vient le bonheur que la mère de mon Sauveur vienne vers moi ? Car, lorsque vous m'avez saluée, votre voix n'a pas plutôt frappé mon oreille que mon enfant a tressailli de joie dans mon sein. » Marie entonne alors le magnifique cantique « Ô mon âme, glorifie le Seigneur !» L'histoire de la crèche et des bergers vient ensuite. Une troupe nombreuse de l'armée céleste chante pendant la nuit « Gloire à Dieu dans le ciel et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté !» Mot digne des anges et qui est comme l'abrégé de la religion chrétienne. Nous croyons connaître un peu l'Antiquité. Et nous osons assurer qu'on chercherait longtemps chez les plus beaux génies de Rome et de la Grèce, avant d'y trouver rien qui soit à la fois aussi simple et aussi merveilleux. Quiconque lira l'Évangile avec un peu d'attention y découvrira à tout moment des choses admirables et qui échappent d'abord à cause de leur extrême simplicité. Saint Luc, par exemple, en donnant la généalogie du Christ, remonte jusqu'à la naissance du monde. Arrivé aux premières générations et continuant à nommer les races, il dit « Canaan, qui fuit Enos, qui fuit Seth, qui fuit Adam, qui fuit Dei. » Le simple mot « qui fuit Dei » jeté là, sans commentaire et sans réflexion, pour raconter la création, l'origine, la nature, les fins et le mystère de l'homme, nous semble de la plus grande sublimité. La religion du Fils de Marie est comme l'essence des diverses religions ou ce qu'il y a de plus céleste en elle. On peut peindre en quelques mots le caractère du style évangélique. C'est un ton d'autorité paternelle mêlé à je ne sais quelle indulgence de frère, à je ne sais quelle considération d'un Dieu qui, pour nous racheter, a daigné devenir fils et frère des hommes. Au reste, plus on lit les épîtres des apôtres, surtout celle de saint Paul, et plus on est étonné. On ne sait quel est cet homme qui, dans une espèce de prône commun, dit familièrement des mots sublimes, jette les regards les plus profonds sur le cœur humain, explique la nature du souverain être et prédit l'avenir.